Mireille Kanyang. François Kimana sur la mise en onde. Nous sommes jeudi 26 août. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Début ce jeudi du 4e salon industriel, le Premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni a fait le déplacement et des questions de COVID-19 dans la communauté est-africaine ont été évoquées. Dans cette édition, on vous parlera des mesures barrières contre le COVID-19 dans différents parkings de bus de transport en commun dans la ville de Bujumbura. On fera également le point sur des questions d'éducation en province Rumonge et dans la ville de Gitega, en province Gitega, surtout à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page gouvernance pour débuter cette édition. Le chef de colline Kanyinya en commune de Kirundo, il s'appelle Karikunzi, la défense a été limogé mercredi de cette semaine de ses fonctions par l'administrateur de cette commune, appelé Viateur Abimana. À ce dernier, l'accuse de corruption et non-respect des autorités hiérarchiques, mais la victime signale qu'il s'agit de l'injustice faite par l'administrateur à son égard. Plus tôt, il avait voulu depuis longtemps le chasser de son poste, mais en vain. Il demande plutôt d'être rétabli dans ses droits. Le point avec Abraham Safari. Dans la réunion tenue ce mercredi sur la colline de Kanyinya en commune de Kirundo, l'administrateur de cette commune, Habimana Viateur, accompagné de ses conseillers, ont pris la décision de limoger de ses fonctions le chef de colline, Karikunzra Ildefonse, élu dans les élections collinaires passées. L'administrateur de la commune de Kirundo accuse ce chef de colline de corruption, le non-respect des autorités hiérarchiques et la méfiance envers la population de sa circonscription. Autre chose, il est accusé de résister à la destitution par une lettre qui lui a été envoyée il y avait déjà 3 semaines et le refus de livrer le sceau de la colline. Pour ce chef de colline, il s'agit d'une injustice en son égard. Toutes ces accusations ne sont pas fondées, du moins d'après lui. Il dit qu'il a même été incarcéré par l'administrateur de la commune de Kirundo, mais qu'il a été libéré après quelques jours par le procureur après avoir remarqué qu'il a été injustement appréhendé. Il demande qu'il soit, après ses papiers, il demande qu'il soit d'abord sécurisé avec sa famille et remis dans ses fonctions puisqu'il a été élu par la population. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Abraham Safari, vous voudrez bien nous excuser des irrégularités qui ont émaillé cet élément sonore. Je vous l'annonçais en titre, début ce jeudi du 4e salon industriel au Burundi qui a vu la participation des industriels de la communauté est-africaine. Le vice-président du conseil des industriels de cette communauté a annoncé que toute personne qui voudra se déplacer dans l'un des pays de cette communauté devra se faire vacciner au COVID-19. De son côté, le premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni, qui a rehaussé de sa présence à ces cérémonies, a plaidé pour une circulation libre des personnes non encore vaccinées au COVID-19. Et puisque l'on parle de ce salon industriel, parlons d'abord COVID-19. Eh bien, certains habitants de la mairie de Bujumbura semblent ignorer les mesures barrières au COVID-19. Ceux qui portent les masques sont peu nombreux par rapport à ceux qui respectent cette mesure dans différents parkings de bus de transport en commun en mairie de Bujumbura. Un des gestionnaires des bus dans les quartiers du Nord appelle aux passagers que le port de masque est pour l'intérêt de tous. Le point avec Lydie Gahimbar. Nous sommes à la gare de bus des quartiers de la capitale économique. C'est vers 17h. Des gens quittent leur lieu de travail. Les rabatteurs donnent des orientations aux passagers selon leur destination. Ces derniers s'alignent en attendant les bus. Mais ceux qui portent les masques sont moins nombreux. Le non-respect des mesures barrières au COVID-19 ne se limite pas sur le non-port de masques. La distanciation n'est pas observée dans les rangées. Les passagers en attente des bus s'embrassent comme ils veulent. À l'arrivée du bus, tout se précipite à monter sans se laver les mains. Une telle situation s'observe également à la gare de bus du sud de la capitale. C'est vers 19h, les passagers s'alignent. Là aussi, la plupart ne portaient pas de masque. La situation est la même dans différentes rues qui s'y plombent l'ex-marché central de Bujumbura. Cependant, un des gestionnaires de bus du quartier du Nord rappelle l'importance du port de masque en ce moment où le Covid-19 sévit dans le monde entier et au Burundi en particulier. Pour ceux qui ne portent pas le masque, je rappelle que le port du masque est obligatoire car au cas contraire, ce serait un moyen de contamination. La maladie est toujours là. Il devrait porter le masque pour l'intérêt de tous les passagers. Le ministère de la Santé publique informe que depuis l'apparition du Covid-19 jusqu'au 23 août, 10 personnes ont déjà rendu leur âme suite à cette pandémie au niveau national. Lydie Gahimbare, il y a sous peu, on parlait du salon industriel et bien l'échange sur le commerce entre l'Afrique, dans les pays de l'Afrique de l'Est, va permettre de promouvoir l'économie du Burundi. Ceci a été dit ce mercredi soir par le président de l'Association des commerçants du Burundi, Akobo, qui prend part à la rencontre des commerçants burundais, des entrepreneurs de l'Afrique de l'Est. Le point avec Sheila Irambona. Collaborer avec les autres commerçants, c'est ce qui aiderait à écarter certains problèmes liés au développement. Ainsi, les commerçants burundais pourront compétir avec les autres commerçants de l'Afrique de l'Est. Cela ressort d'un échange qui a eu lieu entre les commerçants du Burundi et les entrepreneurs de l'Afrique de l'Est. Le président de l'Association des commerçants du Burundi indique que le souhait des commerçants du Burundi est de pouvoir créer leurs propres produits. On ne devrait pas toujours importer, mais plutôt penser à produire nous-mêmes nos propres produits. Les opérateurs économiques ou investisseurs devraient comprendre qu'ils doivent créer des entreprises ou usines ici au Burundi, comme ça se fait dans d'autres pays comme la Tanzanie, le Kenya, etc. Il appelle la jeunesse burundaise à investir pour promouvoir l'économie du Burundi. Le niveau de vie de la population burundaise est très bas. C'est estimé à 500 dollars par personne toute l'année. Mais au Kenya, c'est à 2500 dollars. Il y a un grand écart. On a encore à faire pour sensibiliser la population, surtout les jeunes, pour contribuer dans le développement du pays. Cet échange entre les entrepreneurs de l'Afrique de l'Est va permettre d'analyser les problèmes qui minent cette région, surtout ce qui concerne le commerce transfrontalier, ainsi que le potentiel du lac Tanganyika qui n'est pas pris en compte. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganilo, poursuivons cette édition. Le gouverneur de la province Rumonge demande aux enseignants de cette province de relever tous les défis à l'origine de mauvais résultats aux examens externes dans cette province. Consolateur Nitunga, gouverneur de cette province, l'a exprimé l'après-midi de ce mercredi lors de la remise d'un don de 10 ordinateurs octroyés au lycée Rumonge par l'hôtel Sandstone opérant dans cette commune pour faciliter l'apprentissage de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon le gouverneur de Rumonge, des solutions à ces défis doivent être trouvées. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumonge, il est urgent de se réunir pour identifier et trouver des solutions aux défis qui sont à l'origine des mauvais résultats obtenus par cette province dans les examens externes. On va s'asseoir ensemble, quoi que ce soit, et chercher, et continuer à chercher, jusqu'à ce que nous soyons parmi les meilleurs. Parce que l'examen est le même, nous avons été enseignés par les mêmes professeurs, donc pourquoi être les derniers ? Ayons le courage de relever les défis. Les défis sont relevés et puis on cherche les solutions. Le gouverneur de Rumonge s'exprimait ainsi l'après-midi de ce mercredi au lycée Rumonge, la seule école publique à régime d'internat que compte cette province, lors de la remise à cette école d'un don de 10 ordinateurs qui s'ajoutent à 5 dont disposait la dite école. Innocent Sabiyumba, directeur du lycée Rumonge, dit que c'est un coup de pouce qui facilitera l'apprentissage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le temps, 5, 6 élèves, 7 se partagent une machine, ordinateur. Mais aujourd'hui, ça va permettre aux enseignants, mais aussi aux élèves, de mieux suivre les enseignements. Ce don d'une valeur d'environ 40 millions de francs burundais émane de la direction de l'hôtel Sandstone opérant dans cette province. Et selon son directeur, c'est le début de son apport dans l'amélioration de la qualité de l'éducation en province Rumonge. Cependant, ce don servira également à d'autres écoles en besoin, selon le gouverneur et le directeur provincial de l'éducation à Rumonge. Le lycée Rumonge vient de loin en tête au point de vue rendement dans les examens nationaux par rapport à d'autres écoles de cette province scolaire et le premier au niveau national dans la section pédagogique à l'examen d'État édition 2020 et de cette école. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge. Radio Isanganiro. De Rumonge au sud du Burundi, rendons-nous en province Gitega, c'est au centre du pays pour parler éducation. Certains des écoles en régime d'internat en province Gitega font face à certains défis, notamment à l'insuffisance de matelas quelques semaines de la rentrée scolaire 2021-2022. Notre reporter Gérard Nibigira a fait le tour. Voici son reportage. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega reçoit les élèves en situation d'handicap comme les sourds-muets, les malvoyants et ceux souffrant d'handicap physique, mais aussi et surtout des élèves normaux qui d'ailleurs sont les plus nombreux, alors que dans le passé, le matériel scolaire adapté aux élèves malvoyants manquait souvent. Le directeur de cet établissement, Abbé Zefelenge Ndakumana, fait savoir que le matériel de ce type pour l'année scolaire prochaine 2021-2022 existe en quantité suffisante et que donc les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine vont montrer. Les vivres et le bois de chauffe nécessaires pour les premiers jours de la rentrée scolaire y sont. Les matelas aussi, suite à un don de 250 matelas neufs offerts à cette école par ses anciens au cours de l'année scolaire dernière 2020-2021, à lui d'ajouter que les bancs pupitres cassés sont en cours de réparation. Même si certaines autres écoles à régime d'internat de Gitega n'ont aucun problème en matière des préparatifs de la rentrée scolaire prochaine, d'autres ont des problèmes liés essentiellement à la vétusté des matelas et grandes marmites communément appelées mouvelots, au manque de vivres pour les élèves internes du Momake. Les subsides ne sont pas encore rendus disponibles et de façon particulière, certaines écoles à régime d'internat de Gitega souffrent de manque d'eau de robinet. Et là, on citerait entre autres l'exemple de l'école technique secondaire David et Michael de Kwibuka qui ne reçoit l'eau de la régie des eaux que 2 mois sur 12. Le reste de l'année, il est engagé de plusieurs dos payés par l'école. Depuis Gitega, Jeanne Ibigira pour la radio Isanganiro. Parlons sport à 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro. L'équipe nationale de badminton va représenter le Burundi dans la compétition. Au niveau Afrique, des équipes nationales de moins de 19 ans, ça se déroulera au Bénin. Cette compétition débute ce vendredi 27 août jusqu'au 3 septembre de cette année. François Ndondo, président de la Fédération de badminton au Burundi, indique que 4 jeunes qui vont représenter le pays se sont bien préparés malgré le manque de gymnase pour les entraînements. On l'écoute au micro d'Étienne Manila Kids. Et en ce qui est donc de la préparation, ça n'a pas toujours été facile. Comme vous le savez, nous avons dans notre pays encore un problème de gymnase. Quand on n'a pas un gymnase, pour des sports comme le badminton qui doit se jouer en salle, c'est toujours un problème. Mais nous faisons avec ce que nous avons. Nous essayons de nous entraîner dans des salles qui nous sont disponibles. Et un deuxième problème que nous avons rencontré au cours de nos préparatifs, c'est que, comme vous le savez, nous avons toujours besoin des moyens. Et bien évidemment des moyens financiers pour, n'est-ce pas, pouvoir assurer les déplacements des joueurs et quant à la participation aux séances d'entraînement, mais également pouvoir leur permettre de pouvoir récupérer après les séances d'entraînement. Nous nous sommes mis ensemble, le comité de la fédération, pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer ces aspects liés aux entraînements. Ça, c'est une deuxième chose. Une autre chose est que, comme vous le savez, à part les moyens, les salles, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de pouvoir entretenir une équipe. Et nous avons besoin des experts, par exemple en entraînement, mais quand même, nous avons essayé il y a quelques temps de pouvoir former des entraîneurs et nous continuerons à le faire. Donc, les préparations n'ont pas été mauvaises. On espère que les jeunes vont nous ramener de bons résultats. Et quand bien même on sait que la compétition sera rude, mais on espère quand même pouvoir ramener de bons résultats. François Ndondo, président de la Fédération de badminton au Burundi, eh bien, cette équipe s'envole l'après-midi de ce jeudi. Voilà, 13h12 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la radio Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Et vous voudrez encore une fois nous excuser des irrégularités qui ont émaillé cette édition. Très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.